sens. J'suis la rue, j'suis le mec cool, le mec rue, la vitrue m'a emporté. Mon côté crapuleux s'est réveillé en altercation avec ma gaieté. Parce que trop de choses m'ont frustré, l'espoir j'ai les rejeté. Parce que trop de choses m'ont choqué, malgré ces quelques années. J'ai vu ce pote en face me déclarer la guerre. Je l'ai vu me trahir alors qu'on était frères. J'ai vu cette fusillade dans la place, en direct des QHS de Fallujah. J'ai pris exemple sur ces hommes forts qui ne reculent pas. Éduqué par la haine, elle m'a inscrit à l'école de la rue. J'ai appris son respect, ses vertus. J'suis marqué par le bitume. J'sais pas pourquoi, mais j'suis pour la gangster attitude. Peut-être parce que j'suis anti-force de l'ordre. Peut-être que dans ma tête c'est le désordre. Que j'ai trop la réussite pour mon tort. À trahison, je me suis équipé en méfiance pour pouvoir attaquer mon avenir. J'espère continuer à fond dans ma lancée, ne pas lâcher le rap ni m'enlacer. Rester vrai jean, c'est ma doctrine, ma façon de penser. Écrire, c'est mon moyen de revendiquer, d'attaquer la corruption, la misère, l'inégalité. Un coup de fouet au corps quand je vois les miens galérer aux Comores ou ailleurs dans le globe. Pourquoi y a-t-il de la souffrance dans ce monde? C'est la question que je me pose et j'ai ma réponse. L'égoïsme de l'un fait la douleur de l'autre. C'est la loi du plus fort, ta richesse ou de la vôtre. Les aides financières sont mises dans des poches. Un cercle vicieux, comment faire avancer l'Afrique? Un cercle vicieux, comment faire avancer l'Afrique? A été volé, je viens reprendre ce que vous m'avez pillé. À la recherche de mes richesses, beaucoup de coups arrivent, j'encaisse. Soldat d'Afrique sortant de la vallée de la mort, je viens reprendre mon fric. Indépendant comme mon pays, les Comores. Pour la liberté, beaucoup de gens sont morts. Malgré cela, on se bat encore. J'attaque Bob Denard et ses mercenaires, la police et ses commissaires. Contre l'injustice, on est sous les nerfs. Vas-y, Salim, fais péter la nitroglycérine. Sur la villa, sa roue et sa piscine. On arrive avec des narcos. Suivre mes conseils, c'est tuer un faux négro. Ça fait mal d'être trahi par un frérot. Overdose de folie, j'envoie mon âme à la réalité. Overdose de folie, j'envoie mon âme à la réalité.